Déshabillons-nous dans le noir. Mon père ne doit pas nous surprendre à faire fondre nos corps lorsqu'une étrange calorescence tendrement nous rapproche pour qu'on puisse s'aimer comme des bêtes. L'amour n'est pas très propre lorsqu'on s'amuse sous le spotlight. Semble-t-elle pas chaleureuse, cette idée de faire connaissance sous la pomme lumineuse pour s'abreuver de son essence. Et si tu croques à pleines dents et tu vois que cela est bon, donne-moi ton consentement pour jouir de la vie en éclat. Allons prendre une douche.